Vous écoutez Antenne 87, votre radio locale de Vitry-le-François à Sézanne. Et voilà, c'est Enrico Macias avec Snitro. Ah oui, tu l'as pas reconnu. Incroyable. Hein. Bah non, heureusement que tu me le dis, moi j'ai pas du tout reconnu. Ah là, oui. C'est le Enrico Macias qui fait quelque chose de beaucoup plus traditionnel, un peu moins variété que ceux qui l'a fait connaître en France. Bien sûr, il faut pas oublier ses racines. Ses racines, absolument. Mais c'est vrai qu'on reconnaissait moins sa voix. Ah oui, oui. Bah après, c'est normal parce qu'il était fondu dans la masse. Avec un chanteur qui est très plébiscité maintenant sur notre antenne, c'est Idir qui était derrière en fond. Absolument, Idir, on apprend vraiment à le connaître. Oui, alors j'ai été agréablement surpris que beaucoup de monde le connaissait. Bon, il faut dire qu'il a une très très grande carrière et qu'il était connu dans le monde entier. D'où les reprises avec Gino Tane de Catevas, Enrico Macias qui chantait très régulièrement avec lui. Et cette chanson originale, c'était celle-là. Voilà, Idir sur Antenne 87 avec Znitro, qui veut dire guitare, tout simplement. Et là, on était en 93, je vais y arriver, issu de l'album Les Chasseurs de Lumière. Tu nous gâtes, hein, Loïc, avec ta programmation. Elle est belle, très, hein, cette très belle. Aussi. Oui, très chouette. Avec le petit flutio, comme oui, tu dis. Oui, j'ai adoré. Bien sûr. très connu, hein, ce titre. Hein, de toute façon, il n'y a plus de surprise. Et voilà, c'était aussi interprété par Enrico Macias. Les deux étaient très amis. Donc, ce qui était assez sympa aussi à écouter. Je vous propose de partir désormais en Suède avec le groupe Magic. Alors, Vidrar, pas disco. Alors, je m'excuse d'écorcher un petit peu la langue, mais il faut dire que bon, on ne peut pas langues. Parler toutes les langues de nos programmations, hein, c'est un peu compliqué. On peut se répartir, mais bon. Mais ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas, pour le suédois, il n'y a personne. Ah non, non, non, non, non. Alors, c'est d'un disco assez festif, hein, pas de surprise non plus là-dessus. Suédois, hérité de l'ère post-ABBA, effectivement, en 1980. Donc, c'était vraiment les débuts du disco là-bas. Eh ben, on va écouter ça. Voilà, avec la petite touche scandinave. À tout de suite. Yeah. voilà, un petit disco suédois. Alors Vavin, c'est Magic avec Vidrarpa Disco de 1980. Je pense qu'on va le réécouter dans Rétro 80 très prochainement. Mais je vais t'envoyer ça. En tout cas, c'était très disco et c'était très suédois. Hein. On comprenait bien. Enfin, on ne comprenait pas ce qu'il disait, mais ça sonnait très suédois. Ah, il y avait la petite touche scandinave. Hein, bon, en revanche, ils sont moins doués qu'à bas. Ça balance moins quand même. Hein. Faut quand même admettre. Parce qu'on n'est pas habitué. Peut-être. C'est surtout, je pense, c'est parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de chansons, de rythmique. Voilà, c'est comme tout. Hein. C'est comme tout. On va repartir avec un beau titre encore, une belle chanson. Avec quoi donc ? Los Golden Stars. Ah ouais. Avec Pasto Verde. Carrément, je suis partante. Tu nous en dis plus ? Non. Merci. Ah si. C'est Pasto Verde, donc ça vient d'Amérique latine. Mm-hmm. Pourquoi il s'appelle Los Golden Stars, hein, ben, je sais pas, parce que comme ils sont en Amérique, ils sont... Les étoiles d'or. On va mettre un petit peu d'espagnol, un petit peu d'américain, ça va être sympa. Mm-hmm. Et donc c'est de la pop latino, voilà. Ouais. C'est très mélodique, c'est bien envoyé. Ça va nous permettre d'arriver tranquillement à notre fin d'émission. Eh oui, déjà, ça passe vite. Eh oui, il va falloir se quitter. Alors, restez à l'écoute. Et voilà, c'était les Golden. C'était pas mal. Hein. Alors, il y avait quand même un petit goût de Doors, je trouve. Ah, beaucoup même. Alors, je ne sais pas si c'est une inspiration, un pastiche, un hommage. Ça ressemblait fort. Oui. Hein, oui c'était quand même la vraie sonorité des Doors. T'as raison. Mmh. Ouais, avec le synthétiseur derrière. Ouais, franchement. Belle chanson, belle, un petit aparté. C'est bien, tu as compris... T'as compris le sens de la musique. Le concept. Si les cochons ne la mangent pas, on en fera peut-être quelque chose. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. On verra bien. Ouais. Allez, je vous propose de terminer cette émission avec une dernière petite chanson. Qu'est-ce que tu as choisi pour finir en beauté ? J'ai choisi une chanson avec Tudo que Voce Podia Ser, une chanson brésilienne. Ça sent le Brésil, ça. On adore. Alors, il y aura des harmonies vocales assez raffinées, de la musique populaire brésilienne. Voilà, histoire de clôturer cette émission spéciale Musique du Monde. Et on se retrouve tout de suite après pour dire au revoir. Au revoir, ok. Allez, du soleil. Tudo que voce podia ser sur Antenne 87. Alors... Mais c'est encore une histoire de sœur, figure-toi. C'est Mais un groupe vocal brésilien des années 60, constitué des sœurs Siva, je crois, C-Y, et c'est pour ça que ça s'appelle Quarteto MC. Eh ben, bravo. C'est les sœurs C qui étaient très soutenues par le grand Vinicius de Moraes. Eh bien, merci beaucoup Alex. Oui, je t'en prie. Allez, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie les auditeurs pour tous vos messages d'amitié, de soutien. Voilà, cette émission était pour vous. Souhaitée par vous. Oui, souhaitée par les auditeurs et ça fonctionne bien, on en fera d'autres. Mais bien sûr, on en fera d'autres. C'est un vrai plaisir de découvrir toutes ces sonorités, toutes ces cultures et les passerelles qu'elles font entre elles. Et j'ai repassé un très très beau moment déjà à préparer cette émission, à retraiter, à remasteriser. Oui, c'est du boulot, hein. On ne se lassera jamais de le dire. Ouais, mais c'était sympathique. C'est très sympa. C'était très sympa. Allez, je vous souhaite un excellent dimanche soir. Bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le boulot. Merci à tous ceux qui ont cuisiné, bricolé, jardiné, chillé, en même temps que nous, on s'amusait devant notre micro. C'est ça. C'était très très chouette de partager ce dimanche après-midi. C'était bien sympa. Allez, je vous dis à demain pour le Carnet des Plaines. Alex, à samedi. Oui. Et dimanche prochain, on se retrouve avec Alex et Jeff pour un spécial Canada. Oui, Canada. Yeah. Ça va être sympa aussi. Hein. Ça va aussi être très surprise. Sympa. On va être bien tous les trois. Allez, merci à tous. Excellent dimanche soir. Je vous laisse avec Auguste Kagan dans les années 70 avec Bees Bees, un groupe d'Anatolie. Pourquoi pas? Allez. Soyons fous.